sous ma peau avec ta gueule de minette. J'ai perdu mon sac à dos et tout ce qui traîne. J'ai bien froncé les sourcils. Allez, un, deux, trois, tant pis. À pieds joints dans le ruisseau, je me jette à l'eau. C'est rien que ta faute. T'es plus beau qu'un parapluie, qu'un pilote de rallye, plus moelleux qu'un chamallow, plus fondant qu'un pruneau. J'ai envie de dérailler, de nager dans les nuages, tout envoyer, respirer, plaquer ma cage. Me marrer à manquer d'air, le cerveau raide à l'envers, plonger les pieds dans la boue. Je me fous de tout. Oh, oh, oh. La la la la la. Si je suis comme une ado, c'est rien que ta faute. T'es plus beau qu'un parapluie, qu'un pilote de rallye, plus moelleux qu'un chamallow, plus fondant qu'un pruneau. Si je suis la souris verte qui courait, court le furet. À toi de faire la marelle à la craie. Alors si on joue à ça, prends ma main et c'est toi le chat. Chapeau de paille et verre de trop, des ronds dans l'eau. La la la la. Si je suis comme une ado, c'est rien de ta faute. T'es plus beau qu'un parapluie, qu'un pilote de rallye, plus moelleux qu'un chamallow, plus fondant qu'un pruneau. Je pourrais dans un château, bien calé contre ton cœur, effleurer tes biscottos pendant des heures. Écouter tes rigolades, te raconter des folies, dérailler comme des malades, si tout est permis. Si je suis comme une ado, c'est rien de ta faute. T'es plus beau qu'un parapluie, qu'un pilote de rallye, plus moelleux qu'un chamallow, plus fondant qu'un pruneau. La la la la la. Si je suis comme une ado, c'est rien de ta faute. T'es plus beau qu'un parapluie, qu'un pilote de rallye, bien plus beau qu'un escabeau, que les narines d'un chameau, plus craquant qu'un caramel, plus brillant que le soleil, plus moelleux qu'un chamallow, plus fondant qu'un pruneau.